aux étangs ou au grand stade, centre-ville ou chinois, n'importe quelle balade, à la Moselle le soir, au Capello, je t'aime trop. Avec mon chien brûlé, moi je lui lance la balle, le temps qu'elle aille la rechercher, je t'embrasse abrité, au Capello, je t'aime trop. Dans un parc pour enfants, dans un stade en pleine nuit, n'importe où, pantalon baissé, on aime la sodomie, au Capello, je t'aime trop. La femme de ma vie, tes toutes petites lèvres, tu gagneras beaucoup plus tard, tu oseras t'asseoir sur mes genoux, au Capello, je t'aime trop, au Capello, je t'aime trop, au Capello, je t'aime trop.